Non, mais tu sais, il faut développer l'énergie négative. Vous autres, là, toutes vous autres. La changer en négatif. C'est pas ça qu'elle avait dit. Non, non, c'est pour l'enfant, par exemple, que tu fais pour développer l'énergie négative vis-à-vis de l'enfant. Ben, c'est d'être impatient et pas supporter ça. Vis-à-vis de l'enfant. Oui. Tu développes l'énergie positive. C'est l'enfant qui a de l'énergie beaucoup, beaucoup négative, là. Oui. Fatigant. Oui. Okay? Toi, tu fais la bonne, t'endures ça, t'es patiente, tu développes beaucoup d'énergie positive, pour toffer. Oui. C'est ça que tu fais pour développer l'énergie positive. Tu le tolères, t'es patiente, t'es bonne, t'es douce, t'es protectrice, tu fais tout ce que tu peux pour l'aider. Ouais. C'est ça qu'il faut pas faire. C'est ça qu'il faut pas faire. Puis comment faire pour l'énergie négative? Quelqu'un qui a un enfant qui est fatigant, que ce soit l'enfant d'un autre, tiens, c'est fatigant. Fait que tu dis que t'es fatigant, puis je t'en dis pas. Tu comprends-tu? Ça, c'est l'énergie négative. Oui. Quand tu dis que t'es fatigant, je t'en dis pas, tasse-toi. Oui. Ça, c'est l'énergie négative que tu développes. C'est ça. Mm-hmm. Ça fait réagir. Ça fait réagir. Ça crée un choc vibratoire. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Comprenez-vous? Oui. Le mot « oui », c'est de l'énergie positive. Mm-hmm. Le mot « non », c'est de l'énergie négative. Mm-hmm. On est où? Quand tu dis jamais non... C'est pas moral, là. Vous voyez ça en dehors de la moralité. C'est un non volontaire. Oui, souvent, on a de la difficulté avec un premier enfant, on a de la misère frustrée. Mm-hmm. On sent de la culpabilité, mm-hmm. pas de bonne mère. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien important. Puis plus vous développez d'énergie... Si vous avez trop d'énergie négative, d'ailleurs, tout vous autres, c'est toute l'énergie positive, vous en avez trop. Faut que vous appreniez à développer une énergie négative. Et éventuellement, vous allez arriver au juste milieu. Dans ce processus-là, vous développez le discernement. C'est ça, d'ailleurs, qui crée les liens émotifs. C'est ça. Les balancements d'énergie. Exactement. Exactement. Exactement. Peut-être plus concret sur l'énergie négative. C'est qu'on a trop d'énergie positive, on ne connaît pas assez l'énergie négative. Vous avez trop d'énergie positive, vous êtes trop bon. Je suis pas de l'autre bord. Je ne suis pas de l'autre bord parce que ça vous concerne pas l'autre bord. Mais il faut le développer. Quoi? L'énergie négative qu'elle veut savoir, comment c'est... Quand t'es bon, c'est positif, mais quand tu... Toujours bon. Mais quand tu laisses porter de l'énergie négative, t'es comment? C'est dans la forme. C'est le bout de sa tête, quoi. Non. Graphique encore. Supposons que vous avez un enfant. Bon, on prend votre cas, vous. Un petit gars de 17 ans. Bon. Il faut à un certain moment que vous en arriviez à vous libérer émotivement de lui. Bien qu'une façon de vous libérer émotivement de lui, c'est en développant une énergie négative. Alors, l'énergie négative, c'est pas négatif dans le sens moral du terme. Mais dans le sens que lui, il faut qu'il fasse son expérience. S'il fait ses gaffes, ça fait partie de son expérience. Vous lui avez donné l'énergie positive pour qu'il évolue. Puis s'il est plus capable d'évoluer, passer un certain point, vous pouvez plus continuer à lui donner de l'énergie positive. Parce que vous allez le nourrir constamment. Fait que vous êtes obligé de changer puis donner de l'énergie négative pour qu'il y ait une scission quelconque. Ça crée automatiquement un choc. Les enfants, à l'âge de 2 ans, à la part du nom qu'on dit en psychologie, naturellement, c'est ça qu'ils font avec leurs parents pour couper la symbiose avec la mère et avec l'entourage, pour s'affirmer lui-même. Mm-hmm. C'est ça, naturellement, la part de 2 ans fait ça. Mm-hmm. Bon. Quand la mère est très patiente, là, puis qu'elle va le chercher pareil dans son nom, tu comprends-tu? Il dit non, puis là, elle a rendu qu'elle dit non pour lui, là. C'est ce lien-là qui est pas coupé. Puis c'est ça qui crée des liens qui le support de la psychose aussi, ultérieurement. Bon, quand c'est pas fait à 2 ans, la mère, l'enfant le fait naturellement à 2 ans, avec ce qu'il est. Et la mère, elle a absorbé ça, elle. Tu comprends-tu? Par taux d'énergie positive. La mère, elle va être obligée de le faire à l'autre bout, rendu à 18 ans. Quelque part. C'est ça. Quelque part, elle va être obligée. Exactement. Mmh. C'est ça qui est dur. Puis comment développer, c'est dire non à ça. Dire ça. Non à l'amour, à la tendresse du gars pour elle. C'est ça. Le repousser. C'est ça que les gens filent comme le rejet. C'est ça. Exactement. Puis les gens ont peur de le faire. Mmh. Puis l'Église, souvent, on est pas libre, c'est avec la forme de l'Église qui nous a enseigné à être charitable, puis à être compréhensif, puis à être bon. C'est ces formes-là pour couper, ouais. C'est pour ça qu'on a trop d'énergie. C'est bon d'être charitable, être compréhensif et être bon. Il y a une balance. Il y a une limite. Il y a une limite. à la charité, puis à la bonté, puis à l'autre affaire que tu as dit. Faut qu'il y ait une balance. S'il n'y a pas de balance, tu peux pas être conscientisé. C'est impossible. Tu vas être pogné à tes émotions. Tous les gens sont ont trop de un ou trop de l'autre. Les orientaux appellent ça yin-yang. C'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est dur pour nous autres d'en arriver avec notre culture. Moi, j'appelle ça mettre l'âge dedans. Faut qu'on le fasse. Puis dans votre expérience, vous allez être obligé d'apprendre à le faire. Vous allez être obligé de le faire. Quand pendant le temps, dans 2 ans, dans 10 ans, vous êtes obligé de le faire. Parce que c'est ça qui va vous empêcher de développer le discernement. Le discernement, c'est le résultat de la perception de ça. Ben oui, parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir le discernement quand tu n'es pas seul dans ta peau. C'est ça. Quand il y a des liens émotifs avec les autres, tu vis tout le temps par la main émotive. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Pas de possibilité. C'est ça. T'es jamais autonome. T'es seul. Ouais. Exactement. Exactement. C'est parce que c'est on exagère. Surveillant des enfants. Non, c'est important de surveiller les enfants aussi. Les protéger, les enfants. T'es surveille pour les protéger. Matériellement. Ouais. La seule protection qu'on a donnée aux enfants, c'est la protection matérielle. Matérielle. Parce qu'on est juste père et mère matérielle. C'est ça. Spirituellement, tu leur dois rien. Rien. On spirituellement, rien, on sait rien. Spirituellement, tu leur dois rien, tu sais rien. Il est temps que tu donnes des conférences. C'est ça que je t'aimerais dire. Non, mais ça, là, Bernard, ça découle du fait qu'ils ont toujours, ils nous ont toujours cassé la tête avec nos responsabilités de parents, puis nos responsabilités de parents, nous. Tu sais, je veux dire. Ils nous ont cassé la tête avec nos responsabilités de parents parce qu'ils ont contaminé notre vie familiale. C'est ça. Par le biais de l'éducation. C'est ça. Autrement dit, prends un enfant, puis un mec, puis une père, là, sur une île, tout seul, là, laisse-les évoluer par eux-mêmes, là, ils auront jamais ces problèmes-là. C'est ça. C'est la société, puis la culture, puis c'est ça, l'église, tout ce que tu voudras. Les phares. Qui nous ont mis trop épais sur le dos. C'est ça, point. Exactement. Et les épaules. Il faut s'occuper de cette mère-là. C'est ça. Mère-là, l'église. Oui, oui, d'accord. D'accord avec toi. On doit se couper de tout. Ça longtemps j'ai fait ça. On doit se couper de tout. On doit s'enraciner en nous-mêmes. Mais je trouve ça le fun parce que tu dis se couper. On dit ça, se couper, mais c'est pas juste couper. Parce que juste couper, c'est paralysant. Pour notre compréhension psychologique. C'est, faut faire un move contraire. T'es obligé de faire un move. Faut toujours faire un move. Oui. Tout le temps. Il y a toujours une décision derrière une action. Une action, faut que ce soit dynamique et créatif et jamais passif. Parce qu'il y a des actions passives. Faut que ce soit dynamique et créatif. Faut que ça fasse mal une action. Une action, ça fait pas mal, ça change rien. Pour pas dire, je vais prendre ma tête, ça continue, ça fait pas mal à personne. Ouais. C'est bien important de comprendre ça, qu'on est obligé de développer de l'énergie négative parce qu'on a trop d'énergie positive. Ça paralyse le contact entre le supramental et le mental humain. Trop d'énergie positive. Ça veut dire ça, c'est juste être fidèle à soi-même. C'est fidèle à soi-même. Quand je suis tannée de t'écouter, je te le dis. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ni plus ni moins, faut pas que tu te laisses confier pieds. C'est ça. Quand t'en as assez, t'en as assez. Ça fait avec ton père, ça fait avec ta mère, ça fait avec ton fils, ça fait avec ce que ça vous donne. Tu n'as jusque là, tu n'as jusque là. Ben, j'ai l'air. C'est ça. T'es rebelle, mais dans ta cour. Puis de parler d'éducation, c'est difficile de nous amener à ça. Oui, c'est difficile. Parce que tu passes pour ça en cœur, tu passes pour ça. C'est ça. Développer aussi chez les jeunes de 15 ans leur capacité à dire non à leurs parents. Eh oui. Développer la capacité chez les jeunes de 15 ans à dire non à leurs parents. C'est-à-dire à soi, l'enfant. Ouais, ça fait partie de l'éducation. Quand ils sont trop carrés. Ouais, ça fait partie de l'éducation. Moi, je dis qu'il faut être à soi-même. Faut être. Il faut être à soi-même. Donc, si la fille, les filles, ça, c'est bon pour les chiens. Si la fille, un autre, ça, c'est bon pour les chiens. Les chiens font tel à leur mère. Un être humain, il fait le même. Point. Final. Ça, ça comprend. C'est ça. Il dit qu'un être doit toujours être autonome. En relation avec un autre être. Un être, deux êtres peuvent être unis dans l'amour. Mais il faut qu'ils soient autonomes l'un envers l'autre. Jamais d'esclavage. C'est ça. Être dépendant. Parce qu'il retarde de l'évolution. Être un homme qui est dépendant, c'est deux affaires.

pas ce que les gens pensent. Les gens s'accrochent à des hauts plafonds sur des codes. Puis faire la sexualité. Il y avait ça, la sexualité libérée. C'est pas la sexualité libérée. On est libre dans quelque chose quand on est libéré de quelque chose. On est libre dans quelque chose quand on est libéré de quelque chose. Puis c'est être libéré des forces liées à la sexualité qui la rend non occulte, purement astrale. Ça va loin à faire de sexualité. Quand tu rentres dans le supramental, tu es rendu réellement en connexion avec les forces supramentales. La sexualité dirige l'activité par elle-même. Elle n'est plus dirigée par ton corps astral. Tu n'as plus de contrôle sur ta sexualité à ce moment-là. Le courant passe. Soit le métro, soit chez Eden, il passe là. C'est là qu'il faut que tu agisses. Une façon de parler. Comment ça, ah, oui. Le problème, là? Je t'en cours au stage, faut que je dise, entre guillemets, ça va me prendre sérieux. Mais le mensonge de la sexualité, c'est que c'est lié toujours à d'autres personnes. Le mensonge? De la sexualité, c'est que c'est toujours lié à d'autres personnes. C'est le de ou le, il y a un mot, là, que j'ai besoin. Recommence, mon ami. Le mensonge de la sexualité. Ouais. Parce que nous autres, on est dans la loi du mensonge, ok? Ouais. Fait que la sexualité, pour nous autres qui sommes dans la loi du mensonge, dans la loi du mensonge, ça devient un moyen, ça devient pas un moyen, c'est toujours relié, l'illusion du monde, c'est que c'est toujours relié à d'autres personnes. La sexualité, ça peut pas se vivre sans d'autres personnes. Ouais. Comprends-tu? D'où, par exemple, si t'es mon mari, mes fesses t'appartiennent. Ils m'appartiennent quasiment plus, je peux plus faire ce que je veux avec, ils t'appartiennent. Ouais. Tu comprends-tu comment elle s'est courée? Ouais. les mots juste. Bon, c'est parce que je veux dire, moi, là-dedans, c'est que pour moi, les forces des ténèbres de ces autres plans, donc, ça fonctionne exactement comme la mafia sur la planète Terre. Ouais. OK? Puis la mafia, qu'est-ce qu'ils font? Sont ils séduisent les gens ou ils font peur. Ouais. OK? Ils séduisent pour t'avoir dans leur gang. Ouais. Puis quand ils sont dans leur gang, ils te font peur pour te garder dans leur gang. Ouais. OK? Ouais. Puis comment ça marche, la mafia, ça va faire? Comment ça c'est, avec quoi ça marche? C'est avec deux choses, l'argent et le sexe. Ouais. OK? Puis la mafia, elle existe dans tous les couples non conscients. Ouais. Parce que quand dans la mafia, qu'est-ce qu'on va, on va te dire? On va te dire, si tu fais pas ça, puis on crée le besoin. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'argent, faut lui dire, il m'a donné 500 pièces, passe-moi qui fait quelle autre web. Toi, t'es séduit, tu dis, hey, 500 pièces, ça va à peine, je passe ça au web. Mais après, t'es pogné dans l'affaire. Comprends-tu? Mm-hmm. Bon. Alors, dans la mafia, je peux plus être fidèle à moi-même. Mm-hmm. OK? Parce que je suis engrenée, là, dans l'engrenage. Puis, c'est nébuleux parce que dans la mafia, tu connais jamais le boss du boss. Tu connais juste le boss inutile. Fait que tu peux plus jamais te défendre. OK? Bon. La même chose pour moi dans les forces, toutes les formes de possession appartiennent donc aux forces des ténèbres. Mm-hmm. Par exemple, la possession de la mère sur son enfant. La possession de l'enfant sur sa mère, éventuellement. Très la juste. La possession du mari sur sa femme. La possession de la femme très sur son mari. Très juste, très juste, très juste. Ça fait partie, ça... Ça fait pas partie, c'est de la collaboration aux forces des ténèbres. Très juste. Pour les gens qui sont inconscients. Très juste. Puis ils savent pas. La personne qui est Saint-Louis Saint-Laurent, qui décide d'être prostituée, puis c'est clair pour elle qu'elle gagne sa vie avec ça, pour moi, elle est belle en miel. Mais la femme, qui est pas capable de dire non à son mari, ça lui tente pas de faire l'amour, mais pour avoir la paix, ou pour avoir un manteau de fourrure, elle va dire oui, celle-là est prostituée. Mm-hmm. Ça, comme moi, je dis, dans la plupart des couples, il y a bien plus de prostitution que ça et celle-là. Mm-hmm. Il y a de l'entendement dans ton intelligence. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des nuances dans son esprit, puis des nuances valent la peine d'être... d'être comprises. Les choses les plus difficiles à comprendre sont les plus nuancées. Mm-hmm. Puis les choses les plus nuancées sont les plus faciles à comprendre. Mm-hmm. Ça veut dire. Puis pour pouvoir parler au niveau de l'esprit avec des nuances dans l'esprit, faut avoir un esprit développé, évolué, sensible, vibratoirement. Faut être débloqué. Faut être sûr. Faut savoir. Tu sais, comme quand on parle de fidélité dans les couples. Bon, ça, tantôt, je disais, être fidèle à soi-même, c'est top en mot, t'as dit. Toi, quand tu dis, renez votre vie, là, toi, tu dis ça comme ça. Je veux dire, le monde t'écoute, là, puis on est vendredi soir, là, puis on est assis, puis là, on n'applique pas ça dans sa vie concrète. On sait pas que, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est la psychologie, c'est l'application dans la vie concrète de tous les jours, là, tous les jours. C'est bien beau aller à une conférence de Bernard, mais dans le lit, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça, j'ai à faire quelque chose avec ça dans le lit. C'est ça, matérialiser et concrétiser l'énergie mentale aussi. Mm-hmm. L'énergie mentale, je l'ai quand je t'assis ici, t'asseoir. Mais là, je vais... Tu sais, c'est comme à double sens. Tu sais, des fois, tu dis, faut mentaliser votre énergie. Mais avant de mentaliser l'énergie, quand on commence à être ouvert sur le mental, il faut matérialiser le mental. Mm-hmm. C'est-à-dire le faire descendre de sa vie concrète. Mm-hmm. Le faire descendre de sa vie concrète, ça veut pas dire, je m'occupe plus du mental, puis je m'occupe plus de la physique, puis je vis comme un rat. Mentaliser l'énergie, c'est le faire descendre au niveau du matériel. Mentaliser l'énergie, quand je dis mentaliser l'énergie, ça veut dire prenez l'énergie émotionnelle que vous vivez puis qui vous empêche de vivre votre vie d'une façon autonome, puis mentalisez-la, ça veut dire détruisez les formes qui vous empêchent de faire ça pour que vous puissiez descendre l'énergie dans le matériel. Mm-hmm. Voilà, c'est... Oui, je comprends ça, mais ça, c'est... En tout cas, je veux dire, moi, avec le monde que je suis en contact avec, là, c'est du monde comme nous autres, on a besoin de faire le gap. Entre ce que tu dis là, dans les mots qui sont tout à fait neufs et vibratoires, là, qui sont pas de connexion intellectuelle pour nous autres, puis le gap entre ça, ces mots-là, et puis la réalité concrète. Tu sais, tantôt, j'avais l'air de dire, oui, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Mm. C'est bien beau, c'est Hélène, que tu me parles de 56 patentes, de matériel, de force de ténèbres, de force de lumière. Ben oui, mais à cette heure-là, qu'est-ce qu'on va faire demain avec ça, puis demain avec ça? Puis mon mari là, qui me donne de la merde, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis les enfants qui sont malades, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu comprends-tu? C'est ça qui... En tout cas, pour moi, c'est ça qui est important, de m'enchouler, de rendre digérable. On va se mettre à mentaliser de la merde. Tu sais, le monde, ils vont me dire... ben oui, supposons que je parle de la fusion, mais à un moment donné, je serais pas de parler de la fusion. Ça me consolait un peu, tu sais, qu'on finirait par en sortir de Christine Lavelo. Mais en attendant, dans 3 ans, supposons que je vais être fusionnée dans 3 ans ou dans 10 ans, il faut que je vive ici maintenant, moi, ma vie. Tu sais, puis il faut que je cherche qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, dans ma vie concrète. C'est bien beau de dire, ah oh, ben, ça marche pas avec ton avis, c'est vibratoire. Ah ben ouais, ça n'est pas mon problème comme ça va gagner. Il faut que je le lise dans ma vie concrète, ça. Mm-hmm. C'est ça qui est difficile pour nous autres individuellement. Puis c'est ça. Je trouve que si on n'est pas capable d'apprendre à faire ça, là, la pensée, là, elle joue en mot ta vie. Parce que tant que je le fais pas dans ma vie concrète, je le pense, ce que ma mère me dit. Ça me rentre dans ma tête. Tu comprends-tu? Quand je reviens de séminaire, oh, c'est bien chaud, c'est bien fun, les vibrations sont hautes, toi, t'es au-dessus de tout le monde. Puis là, le matin, il faut que tu rentres à la job. Puis là, le soir, tu couches avec ton chum. C'est comment le vivre dans la vie concrète. Moi, c'est ça, je trouve qu'il est bien important. Ouais. Tu vois, je vous dis tout le temps, moi, je vous parle, je vous donne des points de référence, puis après ça, c'est votre expérience. Faut que vous en arriviez à le descendre dans la matière, dans votre vie de tous les jours, à le comprendre dans votre vie de tous les jours. Mais c'est ça qui me fait comprendre qu'il y a du monde à un moment donné qui disent, moi, je veux plus rien savoir de Bernard. Je suis allé voir Bernard, puis je veux plus rien savoir de Bernard. Parce que c'est cette connexion-là que tu fais pas. C'est ça. Le corrompu. C'est ça. C'est pour ça que les gens essaient de voir comment ça marche, les agitateurs, comment est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. On essaie de voir eux autres comment ça marche. Mm-hmm. Parce qu'on sait pas comment est-ce qu'ils marchent avec nous autres, mm-hmm. dans le concret. Mm-hmm. Tu sais, c'est des grands personnages, les agitateurs de temps. Mm-hmm. C'est des êtres de lumière, tu sais. En tout cas, moi, l'affaire qui m'a prêté avec la gang de chum, là, c'est que ça nous parle à tête d'arbre, tu sais, quoi, là. Je dis ça, je trouve ça important de dire ça. Parce que c'est pas bien, c'est pas très noble, tu comprends-tu? C'est la moins du monde, là, mais c'est pas le ton le plus noble, tu sais. Parce qu'il faut chier. Mais c'est ça que ça nous parle. Puis moi, je trouve ça important que ce soit là que ça nous parle. Moi, ça me parle, ça me dit quelque chose, ça me parle. Oui, parce que c'est là que vous relaxez le plus. C'est pas humain, c'est notre condition humaine. Ouais. Puis nous autres, on est portés, comme des sœurs pis des frères, là. Mm-hmm. On va pas parler du cul. Ouais. Parce que, on est grand, on parle pas de ça. C'est, ouais. C'est pas beau de dire ça que pipi caca. Tu comprends-tu? Ouais, ouais, ouais. On tombe dans l'esthétique. C'est ça. Hmm. On tombe dans la forme. Puis on tombe dans... Tout revient à forme. Tout revient à forme. Toi, tu jouis de ça. Quand tu dis ça, tout revient à forme. Ouais. Mais moi, je suis contente, je jouis de voir que c'est ces toilettes que ça me parle. Moi, ça s'appelle la forme, je m'en sers. Toi, t'as du fun à jouer avec ça, puis elle veut plus. Tu comprends-tu? Moi, ce que j'aime, c'est de briser ces toilettes. Mm-hmm. ça. Pète les fans. C'est ça. Plus tu pètes les fans, plus tu vas être clair. Là, plus tu comprends leur jeu, plus t'es dans la lumière, puis plus t'es dans la lumière, parce que la lumière n'a pas de couleur. Pas de maudite couleur. Mais c'est que j'allais pas croire, ce qui est difficile de voir qu'ils jouent dans des affaires aussi ordinaires et quotidiennes. Ma pauvre fille, c'est des affaires les plus ordinaires, les plus quotidiennes, que les femmes sont les plus puissantes. Mais c'est ça qu'on dit. C'est pas l'église, c'est pas l'oratoire Saint-Joseph. Moi, c'est ça que je dis, arrête d'adorer ce sacrement, puis commence à agir. Parce que t'as beaucoup d'âmes qui sont contemplatives. Puis c'est eux autres qui sont censés, puis c'est eux autres qui le capotent. C'est les contemplatifs qui capotent. Parce qu'ils détendent passer dans la forme ordinaire. Puis garde tous les psychotiques, tout ce qui est une énergie physique et sexuelle, ça leur dit rien, ça. Puis là, ils se pensent bien avancés, ils sont au-delà de ça. C'est pas vrai, faut qu'ils passent dedans. C'est juste. Faut qu'ils goûtent ça. Ah. Faut que t'aies du fun avec ton corps, ça va être du fun avec tes autres plans. Tu as tellement raison. Mm. Quand je dis, moi, faut que tous les 7 plans soient intégrés. Toutes. De haut en bas. Exactement ça. Il est temps que tu donnes des conférences. Mm-hmm. C'est-tu là l'affaire? Je vais collecter 5 piastres. As-tu 5 piastres comme ça? 5 piastres. Tu sépareras ça avec Bernard. Tu sépareras pas avec Bernard ce soir. Bernard, c'est ça. Moi, je suis bien satisfait et je voudrais vivre. C'est ça. Gilles. Gisèle! Donne-moi 100 piastres. Bring me $100. Just give me the money. Laisse-toi couiller dans la forme, là. Là, c'est ça qu'il a failli être dedans, là. Tu vas-tu faire du... Là, tu vas être gêné d'accepter 100 pièces. Là, tu vas être pogné. Ça en est-tu une 100 pièces? You got it? Là, je sais pas, tu vas peut-être avoir 200. Give me $100. You don't have $100? You don't have $100? What do you mean? You mean for these people? Yeah. And give me 10 envelopes? Yeah. Yeah. Bunch it up together and give me $100. Tout te revient à fort. Tout. Tout. Puis où il nous accroche, c'est quand la forme est basse, puis basse, puis basse, puis basse, puis basse. Parce que nous autres, on est haut, on est haut, on est haut, on est haut. On est contemplatif. Puis faut qu'on dé... Je vais vous dire une chose. Je vous garantis absolument que dans l'évolution vers le supramental, ils vont vous descendre le plus bas. Ils vont vous amener. Si, quand vous n'aurez pas fait la connexion entre les, toutes les plans, que vous ne serez pas à l'aise dans toutes les plans, le travail ne sera pas fini avec eux autres. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. C'est des lois supplémentaires. Parce qu'eux autres, ces êtres-là, agissent totalement, sont totalement en dehors de la forme. Sont totalement anti-égaux. Vous parlez du pouvoir de la lumière dans l'homme? Le pouvoir de la lumière dans l'homme ne rentre jamais dans l'homme en relation avec la façon dont l'homme pense. C'est eux autres qui déterminent les lois d'évolution, pas nous autres. C'est à nous autres d'aller y vivre les lois d'évolution, pour savoir comment ce qui fonctionne. 60, 90. Quand on comprend ça, là on commence à comprendre comme ça, c'est là que nos centres s'ouvrent. Pour que nos centres s'ouvrent, faut qu'on s'ouvre. Bon, Bernard, quand tu dis, là, les forces de lumière sont totalement anti-égaux. Ils sont anti-égaux. C'est vrai. Ben, c'est quoi, c'est vrai? Je te cours, à cours. Quand je dis anti-égaux, je veux pas dire qu'ils sont contre l'égo. Bon. Ils sont anti-égaux qui est pogné dans la forme. Mais ils respectent l'égo. C'est ça. Ils respectent l'égo quand l'égo est conscientisé à eux autres et que l'égo comprend les lois de la lumière. C'est ça, les lois. La lumière. Mais c'est bien. Tant que l'homme comprend pas ça, l'homme comprend rien. Peux-tu avoir mes enveloppes? Oui. Moi, j'essaie de vous faire comprendre par des mots très simples

quand je suis dans ma job, je suis en train de travailler, je l'aime ma job. Mais sauf qu'elle me demande d'une dépense d'énergie, parce que je suis toujours en contact avec des gens qui sont pas sur ma vibration. Qui ont besoin d'air, puis c'est moi qui l'ai fournir. Quand je suis au niveau de mes loisirs, c'est, je veux plus être en contact avec les gens avec qui je travaille. Tout ça, mon numéro de téléphone est privé, c'est pour ça que moi j'avais de la résistance bien gros à faire des millions sociales pour parler d'énergie, mais c'est tout à fait, moi, écoutez, de même des gens, ça m'intéresse pas le diable, je fais ça la journée longue. Je trouve ça le fun qu'on allait dans une civilisation du loisir, parce que c'est une intuition vers ça qu'on s'en va. Vous savez, ça même, quand ce qu'on dit, ça même longueur d'onde avec les gens. Puis au fond, c'est ça qu'on dit quand on va être dans le ciel, dans le bien-être, c'est qu'il n'y aura plus de travail parce qu'on va être à la même vibration. Il n'y a plus d'effort. C'est ça l'harmonie vibratoire. Il n'y a plus d'effort à faire. Ouais. Parce qu'actuellement, tel qu'on est, on travaille pour créer des loisirs, puis il y a du monde qui travaille à faire le loisir. C'est vraiment dans le mensonge. Ouais. Le loisir, ça doit être une faculté créative de l'homme en relation avec le plaisir de vie. Dans le loisir, il doit y avoir aucun effort. Alors, supposons, par exemple, son frère de faire l'amour, ça devrait être un loisir. Il devrait avoir l'effort. Il dit l'amour, c'est... Puis éventuellement... L'amour, c'est un plaisir. Oui. Puis éventuellement, par exemple, quelqu'un qui s'amène une vibration avec une autre personne, qui fait l'amour, il n'a pas de perte d'énergie. C'est ça. Elle est absorbée. Elle est absorbée. C'est absorbée. C'est important de faire la différence entre l'amour comme loisir et l'amour comme plaisir. L'amour doit être un plaisir, non un loisir. Mm. Parce que le loisir, c'est astral. Le plaisir, c'est vital. Mm. C'est en fait de mots, ça. C'est pour ça que dans le loisir, il ne faut pas gagner trop de clubs.